non Tumba, Yaya, ya, bienvenue. Papi Kidiaka. Bela yotuna elinga no he. Aye bisaya mundo na linga yo. Ata oke ina lo shata pa ya kachoska eme. Bako ye bisaya sendege moko. Tu es pour moi le réconfort moral toute ma vie durant et à jamais. Tu es un gars à l'aise. A Bukini. Bela nyo ya kakosu nisanga basusi. Kebo salimosi uke la mampona kama. Na bolingo se salo hey. Milinde langonda. Let's go.